إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chers frères et sœurs, avant de venir dans le sujet, en premier, comme on l'a déjà dit auparavant, nous voulons un de ban hadith, un de ban connaissance, qui, Inch'Allah, nous vous a fait des efforts pour apprendre. Ensuite, nous voulons nous laisser réduire ça qui nous écoute. Qui fait, parce qu'il va nous dire, l'état nous guetter, nous puis aller un jour de, un seul peut causer, les rester écouter, mais qui efforts ensuite, moi le faire. C'est pour ça qu'on va nous guetter, Alhamdulillah, nous prenons un doa, nous prenons un hadith, afin qu'il me gagne pendant une semaine pour l'apprendre, m'augmente mes propres connaissances, pour profiter moi-même. Nous venons de nos sujets, et ensuite, à la fin, nous terminons par deuxième point qui vient avec nous, pour une bonne grand signe qui l'approche du Qiyama. Nous commençons par nous dire, chers frères et sœurs, chacun parmi nous, nous déjà témoigné, un proche parmi nous, nous n'assistons pas, mais seulement il faut possible. Nous ne même connaître qui faut bien lire, comment vous faire lire, qui sont l'avantage, veut dire se valer devant Allah. C'est quoi? C'est ça qui nous appelle Namaz Janaza. Ça qui nous appelle Namaz Janaza. Si nous guettons, Alhamdulillah, beaucoup Namaz Janaza, mon ami. Mais seulement, chers frères et sœurs, sa action-là, qui l'y réflecte de sa dîme. Sa action-là, comment il prend place, est plus important, qui me lie de sa place-là. Nous commençons par nous dire, Namaz, c'est ça même qui nous traduit en arabe divine Salat. Salat, mais seulement quand nous venons avec une personne qui meurt, nous dit salatu ala al-mayyit. Mayyit veut dire dimun kin mo. Salat ala al-mayyit. Qui fait nous commencer? Parce qu'à partir de là, mon bizan vient dimun, demain, Inch'Allah, quand janaza devant moi, je connais qui m'a bien dire. Je connais. C'est ça qui peut différencier moi avec un autre qui passe une guerre sa connaissance-là. La connaissance, chers frères, ce n'est pas une petite chose qui écrit le mot les deux comme on peut penser, je tout connais. Non. En point qu'Allah, ça. En point qu'Allah. Ça qui peut amener nous différents. Quand on peut faire une action, je connais bien qui m'a fait faire, pour qui raison je peux faire aller, qui est quelque chose capable d'annuler ça, etc. Quand on dit Namaz Janaza, prends l'idée de nous dire, c'est As-Salat ou Al-Mayyit. Mais là, si nous traduisons Salat, littéral, nous prenons Salat, nous connaissons Salat Namaz. Mais le problème, c'est que Namaz nous fait pour Allah. Qui fait mon besoin faire ça pour ça du monde là, moi? Ça qui vient de faire. Fais bien la différence. Tu fais Namaz Janaza? Namaz Janaza. Tu me réfléchis, mais Namaz fait pour Allah. Mais c'est un mot. Qui fait? Parce que nous prenons Salat Namaz, nous le traduisons, au fait, sa Salat qui nous fait dire, comme on peut dire, à Salat ou à l'Al-Mayyid, Salat ici veut dire Dua. Dua, pour ça, dit qu'il mot là. Ça, Salat. Salat veut dire Dua. Un Dua qui nous fait faire, pour ça, dit qu'il là. Pas sa Salat qui nous fait faire, et Inch'Allah. Pas sa Salat Maghrib, Fajr, Zohar, la Palissa. C'est là un autre Salat. Qui fait? Parce que dans sa Salat qui nous fait faire là, il y a un Roukou là-dedans. Il y a un Sijda là-dedans. Mais ça n'est-ce qu'il y a un Roukou Sijda? C'est là. Mais là, un petit peu pose question, mais qui fait l'ingain ça nous là? Vous connaissez qui fait l'ingain ça nous là? Parce qu'il y a une ressemblance entre sa deux actions là. Qui ressemblance? Les deux commencent par takbir, Allahu Akbar, et je termine par taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La cause à l'ingain ça nous là. Namaz janazala, chers frères et sœurs, les fingains, les non soit là, mais seulement pas sa soit là, qu'il y a parce qu'il certaines soit là, qui lui finalement une ressemblance, une doua, une autre qualité. Il a une doua qui peut amener dans une façon, faire lui comment tu as habitué faire namaz. Il commence par takbir, et un imam devant qui peut présider lui, ensuite un takbir, et il termine par quoi? Par salam. C'est là qu'il prend sa nom. Donc moi, assez, alhamdoulilah, je fais une différence. Ensuite, parmi les points essentiels, c'est quoi? C'est qui peine un djimoun n'est capable de faire salat ou le janaza sans wazou. Il est capable. Les gens qui nous trouvent ça un point de ressemblance qui est avec nous salat, zohar, fajr, etc. Et n'a pas de ressemblance. Mais seulement, il n'y a pas de sa salat là parce qu'il y a une différence. Qui différence? Différence c'est qui? Pena roku, pena sijda là-bas. Résiste, dit vous ici. Basant l'autre ressemblance, l'autre différence, nous prenons là. Et ensuite, il y a une différence entre sa namaz. Parmi les questions qui nous disent qu'on est chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est ça le droit qui nous fait faire là. C'est un parmi les derniers droits qui nous fait pour sa personne qui fait le mot là, quand sur l'écho, encore l'eau la terre. Parmi les derniers droits qui nous fait. Quand sur l'écho, encore l'eau la terre. Une fois qu'il finit de faire cela sur le janaza, direction Kabbalah-San pour enterrer. C'est le coco d'aller. On va la faire. Qui fait nous dire, parmi, parce qu'il est possible, comme on veut sortir de Nazala, mais quand tu fais deux ans, on demande, voilà, pas de nuit, voilà, guerre, pitié pour lui, voilà. Il permet de me faire ça tout seul. Il permet de me faire ça tout seul. Mais seulement, en diamant, ça qui ressort, sallallahu alayhi wa sallam, finance à nous, c'est ces dernières actions qui prennent place. Comme droit pour ça personne-là. C'est pour ça. Avant qu'il reçoive sallallahu alayhi wa sallam, lui fait salat ou janaza, lui rappelle nous. Qui rappelle lui amener, lui dire, fais dua. Veux dire, ça namaz qui te fait faire là, fais-le sincèrement. Fais-le sincèrement. Parce qu'il doit tout ça du monde, c'est pour un seul, ça doit l'accepter, excepté ce que ça du monde qui nous s'appelle là, chez le professeur, quand nous voulons dire, nous trouvons qu'il est une gagnante à l'os. C'est pour ça qu'il reçoit sallallahu alayhi wa sallam de nous, fais sincèrement. Malgré qu'ici vous êtes moi, parfois on est allé, fini. Moi allez. Non, qui fait? Parce qu'il aime, moi va faire connaître même comment faire bien. Déjà, c'est moi va faire connaître qui pour lire. Chef professeur, nous dit bien, même pour une madame, oui. Parce que souvent nous trouvons la question venir, vous connaissez mon père l'Oumra, mon père l'Hajj, mais vous trouvez qu'il y a un namaz janaza. Mais nous, madame, qui nous fait. Ça, c'est Nabi Waqqa, radiallahu anhu, mot. Un parmi les sahaba, mot, chers frères et sœurs, après l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aisha, radiallahu anha, appelle les sahaba, lui dit comme ça, qui se fait janaza, ça passe dans ma vie, mon père namaz janaza, l'Oli. Qui se fait janaza, ça passe dans ma vie, parce qu'il m'a fait namaz janaza l'ori. Depuis ce hadith-là, nous avons deux leçons. Un, est-ce que madame a le droit de faire namaz janaza? Oui. Deuxième, est-ce qu'il est capable de faire namaz janaza à l'intérieur d'un masjid? Oui, chers frères. Dans ma vie, oui. Parce que là, l'époque, Abu Bakr, radiallahu anhu, il fait namaz janaza en dans ma vie. Si ça action-là n'a pas permis, ben, sahaba, tu peux objecter, oui ou non? Il n'y a aucun sahaba qui n'objecte. Il n'y a aucun sahaba qui finit objecter. De là, nous trouvons qu'un madame, chers frères et sœurs, est-ce qu'il est capable de faire namaz janaza? Oui, il est capable de faire namaz janaza. C'est pour ça, chers frères et sœurs, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait cause avec ce madame, il dit à lui, oh Aïcha, si tu es mort avant moi, moi-même pour faire de roussal, moi-même pour faire mettre de kafan, moi-même pour faites un amant janaza et moi-même pour enterrer toi. Quatre choses, disait son madame. Qui fait? Parce qu'il lui connaît qui c'est l'élimo avant, madame là pour faire un amant janaza. C'est pour ça qu'ici, l'île précise, mon prophète n'a pas dans ça moi-même. Nous continuons pour nous dire, l'Ibo nous compte valer ça dans ma vie. Nous comptons valer ça dans ma vie. Une devant action qui, de nos jours, bon, malgré que chacun parmi nous est dans une occupation, pas nécessaire. Tout le temps, nous disons, chers frères et sœurs, prends-les comme ça. Vous connaissez, nous tous, la terre, nous avons un objectif. C'est quoi? Quelle satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala pour nous gagner. Ça, pour nous gagner, chacun parmi nous, être responsable de son action. Il ne faudrait pas vous penser qu'il demain, faudrait vous capable de causer pour gagner Jannat. Pas ça, hein? Pas ça. Faudrait pas vous penser demain, faudrait vous réciter un coup de bas dans mon lavis de là pour gagner Jannat. Pas nécessaire. Pas nécessaire. Prends-le comme ça. Vous avez un terrain olympique pour mettre. Il y a 8 couloirs. Vous avez 100 mètres là-dedans. Au fait, qui m'offre? Je prends tous les 8 couloirs, je fais comme ça. Faut que je passe dans tous les 8 couloirs, je arrive dans le bus. Ou bien je prends une selle droite, moi aller. Je prends une selle droite, moi aller. En d'autres mots, quand je été, je prends action qui m'a capable de faire. D'après mon capacité, comment nous dire, à l'aide de moi de la main des pieds, je fais ça qui m'a capable, un femme me rentre dans le bus, oui non. Un femme me rentre dans le bus. Faudrait pas me penser, de dire que je gagne Jannah, moi-même je prends la clématique, je vais faire un matin. Moi-même pour donner la santé, moi-même pour donner un kamat, moi-même pour faire ça, moi-même pour faire un amas du choc, je vais ressasser. Mais quand je vais pas me mettre à garder là. Quand je vais travailler. Et je vais commencer à acquérir tout moi-même pour faire. Mais dernier, marié. Marié, beaucoup de responsabilités pour aller. Moi-même après échec pour faire causerie, moi-même pour causer avec vous, moi-même pour aller la carte, et quand matin, je vais lever ta radio tout de même. Mais vous avez un acte, non? Mais tout le monde comprend. Tout le monde comprend qu'il vient faire la terre. Parce que quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui donne ce que le Sahaba fait dire, elle n'a pas pour mourir, elle n'a pour regarder Rosa, c'est ce qu'il dit Jésus. Il dit Jésus, mais moi, mon messager d'Allah, et Nazou me gardez, Nazou me pas gardez. Moi, mon messager d'Allah, mon mourir, moi, mon messager d'Allah, tu passes toute la nuit pour faire namaz, et dans la nuit pour dormir, dans la nuit pour lever la moitié, et dans la nuit pour lever un tiers, ensuite pour redormir. Moi, messager d'Allah, c'est là qu'il dit, c'est là. Faman rari baran sunnati falei samini. Celui qui n'est pas d'accord avec mon sunna, il n'est pas pour sorry, nous t'amènes dans Nika. An Nika humin sunnati, faman rari baran sunnati falei samini. Mashallah, fini que là nous donne Nika là. Mais au fait, pense le hadith, hein. Au fait, pense le hadith, c'est des hadiths. Café rangé, copie, paste, mettre tous les deux ensemble, pas chaleur, une seule à dispose. C'est là que le prophète dit, celui qui n'est pas d'accord avec le prophète, il n'est pas parmi nous. Quand un démon, il mal comprend l'objectif qu'il fait, il pourrait, il paraît que c'est un point de chute. Point de madame. Il ne faudrait pas lui penser qu'il disait, fais ça. Non, l'impossible demain, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, peut dire avec ma madame. Un, il fait ce 5 soit là. Deux jeunes, les préservent 10 pour ça, Miché. Troisième, les valises personnes rentrent dans la case, excepté pour faire mission sur Miché. Si les récits font ça trois-là, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, vous garantissez les jeunes. Vous garantissez les jeunes. Et vous avez dit, tu es trois de beauté, oui non. Mais montrez-nous qui, alhamdoulilah, chers frères et sœurs, ça dit, pour gagner satisfaction, Allah, il n'est pas difficile. Il va difficile. Nous retournons avec ça qui est avec nous. Oui, chers frères et sœurs, quand nous étions au fait, il ne faudrait pas me penser moi-même pour bien faire tout. Non, capable d'une petite action, d'après mon capacité, me faire sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala accepte les. Il y a une de bonnes raisons qui m'ont gagné Jannah. Il y a une de bonnes raisons qui m'ont gagné Jannah. Donc, à partir de là, chers frères et sœurs, nous redire, quand une personne, l'égate parmi une action, quand il y a quoi pour croire cette action-là, mais ça, il n'y a qu'un pour faire aller. Il y a des sujets qui marchent là, il restait. Il restait. Il ne va pas faire aller. C'est qui action? Nettoie mardi. God mardi pro. Vous dites, oui, ça, normal. Vous avez dit, vous avez un week-end pour faire ça. Mais moi, un jour, je ne suis pas capable de venir. Quand même, Pépé, il y a un jour. Vous savez, vous connaissez Pépé, ou même tous les jours, vous faites pour faire un jour. Mais vous faites un jour. Un jour. Je m'aspire à terre là, mon envie, au moins le mot compte, il écrit, oh Allah, un jour, mon nettoie sur la case. Vous connaissez déjà, chers frères? Un jour dans mon vie, pas de dire moi, prends-le tous les semaines, tous les mois, pour provenir de Bordeaux. Un jour. mon net vin avec lui, bon, et pour mon nettoyer rouge. Moi qui pour nettoyer rouge quand dans rouge. Même côté madame, li connaît, etc. Si vous qui sont Michel vini, ben fait moi connaît, mon nettoyer côté madame. Elle Michel madame il fait ça. Une fois dans un an, est-ce qui est difficile? Chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Nabawi. Il dit, maintenant, un tel côté. Banna dit à lui, Ya Rasoulallah, l'inmo lundi soir. L'inmo lundi soir. Un tel là, c'était qui ça n'a? Un madame. Ya Rasoulallah, l'inmo lundi soir. Puis je pense que moi connais. Ya Rasoulallah, tu es trop tard. Tu n'es pas une bonne dérange, toi. Tu es trop tard, la nuit. Tu n'es pas une bonne dérange, toi. Chers frères et sœurs, ça profite là, débouille. Je montre mon socabal côté. Il y a allé, il y a le Namazana, ça pour ça, madame. Vous connaissez qui est égal à ça? Imaginez-nous quand sa prophète-là peut dire Allahumma firha ou Allah pardonne-ni. Est-ce qu'elle a pour refuser? Est-ce qu'Allah pour refuser? Sa prophète-là peut demander Allah, c'est lui, créature, qui a la plus content. Il veut dire, oh Allah pardonne-ni. La question qu'il posait, c'est madame là qui me paie. Quand j'ai maintenant dit, chers frères et sœurs, je finis la réponse à vous. Et tu fais des doigts mal. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi vous faites quoi? Il y a le premier hafiz à Quran qui finit dans ma dîne. Pourquoi vous faites quoi? Vous direz que maintenant tu fais la guerre, même tu peux. Non. Mais ça, à l'époque, n'est pas de sa grande équipe. Aujourd'hui, là. Mais je dis, oui, tu es beaucoup plus petit que ça. Ça m'a demandé ce que je vais faire. Et tu fais des doigts mal. Qui va lire cette action-là, Ina? Qui demain, même quand papa est trouvé, pose question côté qui était. Quand on dit à l'ilmo, pas de récit fait sur la manzanaza, non, le perdit. De là, nous pouvons trouver, chers frères et sœurs, l'importance pour un croyant, il connaît. Si le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, même après, il n'est pas fini, puis il dit ça sens là, pour faire la manzanaza ou un divon, pour montrer nous valer sa action. Donc, comme on peut faire la manzanaza, arrête de prendre les routines. Non, c'est un ibadat qui nous a fait. Comment nous faire, chers frères et sœurs, si un qui est parmi nous pour débout imam, si ça qui devant nous là un miché, nous débout côté sur la tête. Si ça qui devant nous là un madame, nous débout côté sur l'estomac. Si moi je débout imam. Mais sinon, moi débout à l'arrière, l'autre dans ça, et quoi nous connaît, ça pour coster, et ça qui est recommandé, c'est qu'il n'a pas la vie de nos pères, mais ça qui est avec nous, c'est apporter ta grille. Comment nous finir, il finit gagner non, soit là, parce qu'il arrive à rire, commence à soit là, qui nous fait là, il commence à t'agir. Mais dire, imam fait Allahu Akbar. Imam fait Allahu Akbar, chef frère et sœur, hadith, Ibn Abbas, radiallahu anhu, lui dire, comme au fin des bouts de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la main de Naza, montagne de lire surah al-Fatiha. Hadith qui tourne de Sahih al-Bukhari. Montagne. Et lire surat al-Fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa la dhalin, Amin. C'est mieux ça. Aujourd'hui, nous capables de gagner quelqu'un, de nous manquer, de lire ça. Ok. Mais seulement ça qui, hadith, direct, depuis, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins sont de lui-même, qui dit ça ne prophète bien. Sana ou bien surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha. Ça qui nous dit là. Quand nous finissons déjà un takbir, Allahu Akbar, nous les Darul Ibrahim. Darul Ibrahim, ça qui nous fait dire dans la manza. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad jusqu'à la fin, nous l'a dit complète. Oui, là vous connaissez qui vous dit, mais vous connaissez, ben l'imam qui est là, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas gagner les thèmes, bien. Ça dépend de son responsabilité devant Allah. Non, quand on fait plus que ça, c'est. Comme imam débute, ou pas encore, Maliki au midi, il finit Allahu Akbar. À ça, on répond Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ou pas encore, il n'a qu'à Hamidou m'a dit Allahu Akbar. Fini lui. Quand on est venu à Daroudali, on est sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar. Fini lui. Connais-tu fait ça? Une des bonnes raisons, nous dit bien, une, pas nécessairement. Une des bonnes raisons, parce qu'il passe aux familles qui m'ont là. Comment il fait lui? Passe aux familles qui disent non? Passe aux mamans. Imaginez-nous demain, on gagne l'occasion, moi, pour me débouter, mon maman sur les cours qui est devant moi. Dernière fois, je vais faire du work, mon maman sur les cours, là, pire. Je vais vous bâcler, chef frère. Je vais vous bâcler, dit. Mon papa qui est devant moi, là. Une de bonnes raisons, ce qui nous prend lit, mais j'ai imam fait lit, imam pas ressenti non rien pour papa. Imam pas ressenti non rien pour papa. Il connaît où dans ma vie, il pas connu papa. Il pas connu maman. Zamine fait quelque chose pour lui, Zamine il joue une cause, mais comment il fait dans ma vie dans la Allahu Akbar, mon ami n'est dit là, dans ma vie, au finisseur, il veut qu'il y a la case, il va t'acheter quelqu'un dans mon jeu, lui. Oui, il n'y a pas comme ça du monde qui se mange là. Mais si moi, ce garçon qui peut faire ça là, vous connaissez déjà l'écho, mon maman, mon papa devant moi, puis dans un jour là-dedans, dernier occasion, je vais bien faire du à vous. Quand l'écho, on peut la faire. Chef, restez sur moi pour faire vite. Et chef, on fait dans ma vie dans la vie. Ça a une de bonnes raisons fondamentales qui fait ça qu'ils sont en bon plan. Imam Sab, nous bien contents, oh, machallah, mais souris, laisse-moi faire dans ma zanaza, mon papa. Mon apprendre, mon connaît, mais mon père, mon papa, ça. Il gagnera un peu sûr. Il vous gagnera un peu sûr. À partir de là, nous arrêtons la main pour nous dire, les temps nous guettent, comment les cadrer à faire comme un doigt. Quand nous lèvons la main, nous faisons doigt. Au fait, comment nous faisons doigt? Parmi les adab qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, c'est qui nous commence pour faire éloge à Allah. Nous faire éloge à Allah. Ensuite, comme lui-même lui enseigne nous, nous lire dans le livre d'Ibrahim, mais on envoie la paix et bénédiction au lit. Mais dans la mazanaza, pas ça même nous faire là. C'est pour ça que ça vient de nous. Nous commençons par surat al-Fatiha, nous faire éloge à Allah, oui non. Deuxième étape qui m'en fait, mon avoué, bénédiction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait bien faire ça comme ça? Parce qu'en troisième position, qui vous venez? Un doigt qui vous venez faire. C'est là qu'il doit la cadrer. Doit la quand il vient, cher frère, sœur, il va venir directement. Ou à la pardonner, n'afficher pour lui. Non. Fais-le bien, moi, bien. Fais éloge à Allah. Rapproche-toi avec Allah pour faire son éloge. Envoie bénédiction, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. À partir de là, Dieu qui te fait bien à à partir de là, Dieu qui te fait bizarre. Ou alors, mon frère, doua pour ça, dis-moi qu'il m'a là, ça lui vient notre troisième takbir, et ça lui vient à partir de l'autre semaine, Inch'Allah, chers frères et sœurs. Mais bien, nous finissons, connaître l'autre semaine, qui doua qui nous est là pour finir cette semaine-là. Doua qui nous vient de la manjanaza. Al-Rodi. Et nous disons bien, même si il y a un frère et une sœur en vie, demain, il s'appelait, il faut taser, nous disons bien, connaissons pas copyright, hein? Copyright, c'est là. Ou envie prendre lit ou pour taser, ou envie mettre le CD, pas une demande moi, une fois pour tout. Et surtout, si quelqu'un est en erreur, ça lui vient de dire moi. On fait une erreur là-dedans, on dit ça, ok. Mais seulement, vous connaissez, on dit ça, on met le papier, mon cas pour taser. Parce qu'il fait, nous tous qui lâchons pour être, qui soit celui qui fait causer, celui qui fait écouter, nous met rempli un drôme qui n'a trop. Donc, qui nous vous a fait? Remplis-le au maximum. Pas de limite quand tu sais. On fait un gros CO, pas qu'à ça, un petit CO. Non, rempli. Rempli. Kati, nous gagnons satisfaction à Allah. Donc ça qui est avec nous, c'est quoi? Nous nous connaissons, Inch'Allah, l'autre semaine, une doua qui faut avec nous, c'est quoi? C'est doua namaz, janaza. Et attends, je nous dis bien, chers frères, c'est pas une seule doua, nous vous voyons. Pas une seule doua. Combien il y a trois doua. Trois doua pour ça du monde, qui ne mourra là. Et nous vous trouvons qui, en même temps, il y a un pouban qui est encore vivant. Qui fait nous péguer ça, chers frères, c'est comment nous fait dire? À n'importe quel moment, nous trouvons nous présentés dans la manjanaza, excepté qu'il ne va pas venir pour mes banques, pas connu qu'il pouvait y avoir l'occasion pareille. Chers frères et sœurs, bismillah. Quand j'ai la semaine passée, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas qu'il met aucune position de banque qui venait, fait nous connaître, ça c'est jour qu'il. Mais seulement ça qui tire, c'est qu'il prend 10 actions pour prendre place. Parmi ces bonnes actions-là, comment nous dire, quand il peut dire la fumée, Dajjal, un animal qui vous saute de la colline Safa, soleil pour lever dans l'ouest, etc. Tout ça, l'Inch'Allah, comment nous finir dire, à partir d'aujourd'hui, nous prenons les biens. Il n'est pas fini dire qu'il est premier pour arriver ça, deuxième pour arriver ça. Non. Nous finissons des hadiths qui font nous trouver les contraires. Premier, pas même du monde, pas même Sahaba. Premier hadith, ça, les sites, les clips qui peuvent arriver. Qu'on a trois les clips qui peuvent arriver. Qu'on est jour qui va arriver. Trois peuvent arriver, un après l'autre. Dans le deuxième hadith, rapporté par même Sahaba, les sites les clips en premier. Les sites les clips là, en premier. Juste pour moi comprendre qu'il veut dire ce hadith là, l'important c'est pas le rang, l'important c'est l'action. L'important, cher frère, c'est quoi? C'est l'action qui vous prend place. Comment nous finir dire aussi, quand nous guettons, Ben, avant que je finisse expliquer, je tout fin d'accord. Qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire « wa » et. Parce qu'il y a une tendance qu'on nous dit « comment tu rentres, tu fais ça, et ensuite tu fais ça, et ensuite tu fais ça. » Malgré qu'il y a un hadith là, qui n'est pas le mot « et » peut être « wa » qui veut dire « wa » tous avant d'accord, ça « wa » là pas veut dire « at-tatabu » veut dire « envin » envin après l'autre, mais excepté qu'il est fin de mettre « comment en de bonne action » parmi bonne action qu'il faut prendre place. À partir de là, chers frères et sœurs, ne tout qu'il a nous dans ce nom-là. Al-Mahdi. Al-Islam. Mim. Et Jim Sofrir. Non, Kepler, sorry. Kepler. Dal-Yi. Al-Mahdi. Première chose qui nous vient connaître, qui veut dire Al-Mahdi dans le langage arabe. Nous tiens à l'islam. Parce qu'à l'islam, il rentre dans un nom pour faire l'ivine définitif. Nous tiens mime. Ah oui, ok, tout ça, voilà. Non. C'est ban mot qui, ban lettre qui, au fait, dans le langage arabe, quand on vit, il y a trois lettres radicales, et dans ban lettre, comment vous guettez, ça, c'est ban lettre qui tire. Par exemple, si moi je dis Al-Masjid, qui trois lettres qui vous a tiré? Alif là, mime là, vient automatique, oui, non. Mime là, vient automatique, parce qu'il nous a dit ça déjà là-dedans. Al-Mahdi, tiens Alif, tiens Lam, tiens Mim, qui restait? Reste Hefler, Dal, avec qui? Comme on prend sa trois lettres-là, je vais lire dans un dictionnaire arabe, excepté je vous trouve qui ça qui nous habite, attendez, de ça qui nous appelle Khutbatul Hadja, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Men yahdihillah, yahdi, mahdi, men yahdihillah. Qui veut dire ça, l'os? Et d'allier, il veut dire la guidance. Guide. Mais yahdihillah, c'est lui qui a la guide. C'est lui qui a la guide. Al-Huda, Houdiya veut dire la guidance. Al-Mahdi, dérivé de ça, de ces trois lettres-là. Oh donc, chers frères, à partir de là, quand on dit à moi le nom Al-Mahdi, ton choix, c'est c'est nous, Ndimoun ça, ou bien c'est qualité que ça dit mon avouina. Pas pressé pour répondre là. Parce que, comme on peut être Al-Mahdi, nous reconnaissons l'eau qui nous veut venir le jour Kiyama, l'eau une personne qui, alhamdulillah, depuis longtemps, nous entendait. Mais là, nous commençons un petit peu bien en détail avec lui. Parce qu'il a, est-ce que c'est ce nom ça, Al-Mahdi, ou bien c'est une personne qui lui faut une bonne qualité, qui c'est pour ça qui est appelé pour ça nous. Donc nous quittons ça. Suspendu, nous continuons. Ça qui nous connaît, c'est quoi? Al-Mahdi dans le langage arabe du dérivé de la guidance. Comme un guide, un petit qui pour venir pour guider. C'est pour ça que nous guettons dans le dictionnaire arabe, il dit Al-Mahdi alladhi qad hadahu Allahu ila al-haqq. Al-Mahdi, c'est un petit qui Allah fin guide vers la vérité. Oui? Demain, un petit qu'un embrasse l'islam. On lit bien là, hein? Littéralement. Moi, je sens que c'est un mardi, ça. Non, tu peux gagner. Comment on va dire imam mardi? Il ne faut pas dire l'imam mardi, moi. Moi, je dis ça, c'est un mardi. Qui veut dire? Il y a la guidance, oui, non? Ça qui m'a dit. Ça qui m'a dit. Comprends le mot avant, là. Al-Mahdi, quand tu es étudié en cours, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'y a dit, il amène dans l'islam. Mais il y a la guidance, oui, non? Un petit qui a la guidance, qui Allah guide vers la guidance. Qu'on appelle Mahdi. Nous continuons, chers frères et sœurs, comment nous connaît sa personne vraiment pour exister. Parce que tu nous dis, oui, mon affaire ni de ma table, mon affaire ni de ma causerie, mais vrai, personne ne va enlever tout. Mais seulement, comment nous pouvons dire, là, nous, dans les sons, qui les sont, c'est qui, moi, mon besoin apprendre pour différencier moi avec un qui celui qui n'est pas comme ça. En d'autres mots, être sûr que mon prophète, il nous a dit à moi, il y a Rodoupi Aril, ou Mahdi Al-Mahdi. Dans la fin, mon humain, pour un petit pour sortir, Al-Mahdi. Un, il voit dans sa nom là, et deuxième, il voit dans sa qualité là dans les lipos, il vous guide Bandimoun. Il vous guide Bandimoun vers de la vérité. Qui est-ce qui nous dit ça? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc de là, moi, si est qui vraiment sa personne-là pour exister, oui non? Est-ce sûr, chers frères et sœurs, que sa personne-là pour exister? pays. C'est une petite chose qui, je tout connais. La question qui posait, mais je tout pour venir vous dire, capable de venir dire, moi, mardi. Ok, dialogue. Mais seulement, ça qui nous vient connaître, c'est quoi? C'est le hadith qui suit. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Mahdi min hitrati min waladi Fatima, radiallahu anha. Al-Mahdi, il faut partie de vos générations. Le prophète fait causer là. Il faut partie de vos descendants. Il faut venir avec moi ça. Et il faut détruire les enfants, Fatima, radiallahu anha, ce type. Oui, chers frères et sœurs, Al-Mahdi, depuis que ça n'a divinée, il vient depuis Fatima et Imam Hassan, radiallahu anhu. Mon descendant divinée. C'est depuis ça, génération-là, qui nous gagne, Al-Mahdi prie devant. Donc, Al-Mahdi, est-ce qu'il est un parent depuis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il est parenté? Oui, chers frères, il est parenté. Il est parenté. Qui fait nous besoin précise tout ça là? Parce qu'il, pour moi, le comprend vraiment dans sa dîne. Quand nous pouvons dire ça à la famille là, c'est une famille noble ou non? Qu'est-ce qu'on nous peut dire Al-Mahdi, il saute depuis la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, comment est-ce qu'il nous connaît l'approche de l'imam Mahdi qui est arrivé? Comment nous connaît ça? Pays d'État civil? Quand est-ce qu'il y a enregistré le salon là, nous commençons à lire bien des petits. Non. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, principe de nous dire, lui enseigne nous une petite chose à travers l'action qui nous vise, à l'entour de nous, et non pas la personne directement. Non. Tous les temps, il dit comme ça. Nous dit bien, tous les temps, il dit comme ça. Basant le petite chose qui est là, à l'entour, de là qu'il nous comprend, et là, ça, la base. Moussa alayhi sallam, bien aller. Allah subhanahu wa ta'ala qui fait, il fait un jifé à l'entour pour les causer. Pour lui, pas jifé là qui cause avec lui. Jifé là, il n'en a rien. Mais jifé là, c'est l'action qui prend place à l'entour afin qu'il y ait, afin qu'il y cause. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chef précédent d'un hadith qui trouve dans Abu Daoud, il dit, la taqoumu sara hatta tamla'u l'ard zulman wa huran. Jour Qiyama, pas pour arriver. Aussi longtemps qu'il sale la pierre là, alors la pierre. La pierre là complètement. Prends pour l'eau, vinska sud, prends l'étal dans l'ouest. Jusqu'à qu'il sale la pierre là, tout là. Rempli, il remplit. Il remplit avec qui? Avec zulm. Zulm. Ou imaginez-nous, 30 coups de couteau d'une manzane du monde aujourd'hui. T'as dominé ça. Qui vient faire ça? Oui, l'action prend place. Mais seulement ce qui me prophète, tu finis avec, tu m'en sais quelque chose là ou non. Imaginons, nous pouvons vivre en l'île, nous. En l'île. Il y a qu'à appeler en l'île. Nous l'avons en l'île. Et n'a ma femme été mourir. Dans sa qualité place là, tout ça, cette histoire là, nous pouvons tendre là-dedans. Cette place là. Tout ça là, je dois mourir. Tu comprends vraiment là, ici moi. Je veux mourir, ça va. Maurice qui arrive tout ça là. Combien du dos nous tendit? Combien Rodouana, l'ennemi nous tendit? Combien? Quand nous disons l'ennemi là, combien fois nous tendit? Voisin, des rapaces en voisin, un là dans la chiliosité. Combien nous tendit, moi? Ça là, qui est là, n'est pour remplir ça. Mais qui fait? Qui fait, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Thumma yakhruju min ahli bayti man tamna'uha qista. » Ensuite, pour un dimoun pour venir dans la famille, c'est lui qui pourrait faire la justice prévaloir. Qu'est-ce qui peut arriver avant alors? Donc, demain, comme vous pouvez trouver une action d'injustice, fait passer l'eau la terre. Pas dire, mais laissez-nous pour venir venir dire. Non. Nous devons combattre les oui non. Mais seulement quand l'IP prend place, en même temps qu'il me dit à moi-même, des paroles ça prophète là, des paroles ça prophète là. 1435 ans de cela, il dit à nous pour arriver à la terre, oui non. Je vais témoigner, oui non. Je vais témoigner, je veux. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi? Comment moi vous connaissez l'imam Mahdi prêt pour venir? Veillez l'internet? Quand tu veillais? Connais-tu le plus drôle? Parce que qui fait à chaque fois on veut dire veiller, veiller, veiller. Et quelqu'un dit comme ça, mais non. Tu n'as pas oublié de dire ça comme ça. Non. Parce qu'il faut mettre une différence qui est là entre nous avec juifs, non, sorry, entre nous avec chia, quand nous gardons Rosa, pas mis. C'est que nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous conseille nous, comment nous tan azan qui nous fait. Fait tard vite. Paris, moi, c'est vite, de nous faire un petit plus tard, mais pour tard, de nous, comment nous rentrer, faire vite. Il y a un seul avec qui fait ça, parce qu'il y a un juif avec un chia, je t'ordis pour je faire ma grise. Et qui je t'attends? Tous les jours, recta, 365 ou 365, excepté une année qui divise en 4, 4, il fait 366 là. Je t'attends, il m'a marre divini. Tous les jours, je t'attends. Un dimon pour vous, je t'attends, non, je t'attends. À 16, je t'attends ma grise, maintenant. À 16, je t'attends ma grise. Tous les jours, je t'attends, soi-disant. Chien. C'est pour ça que je te retordis. C'est pour ça que je te retordis. Mais bien, différence qui vient de nos connaissances, c'est quoi? C'est qu'ils se attendent la personne. Nous, nous pouvons attendre la personne. Mais avant la personne qui nous attend à l'os, nous attendons à les mona remplis avec l'injustice, avec du tort, dominer, avec l'ennemi. Quand ça est rempli comme ça, à ce moment-là, nous connaissons pour une personne pour venir qui appelle Mahdi. Chers frères et sœurs, quand nous pouvons dire, il appelle Mahdi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, il dit à nous, concernant ce nom, assez l'exemple. Quand il peut décrire Al-Mahdi, il dit, wa ismuhu ismi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il veut poser là, wa ismuhu, et ce nom, pour un nom qui s'en a, ismi. Mon nom. Mais dis-moi, comment il faut appeler à l'os? Il faut appeler Mohammed. Wa ismu walidi. Ismu walidi. Et non son papa, vous parlez comment nom mon papa? Mon papa. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son papa, comment tu appelles? Abdallah. Imam Mahdi, son papa, comment appeler? Abdallah. De là, est-ce qu'il y a une connexion différente qu'il y a entre ce nom avec titre qu'il a gagné? C'est clair, cher frère. Imam Mahdi, c'est tout ce qu'il a gagné dans sa vie, là, ça. Et non pas son nom. Son nom, c'est quoi? Son nom, c'est Muhammad ibn Abdullah. Ça, son nom. Son nom, c'est Muhammad. Pareil, comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, appelé. Al-Mahdi, c'est quoi? Parce qu'il y a une action qu'il peut faire en tant qu'à la tête de sa oumala, quand il faut amener la justice, quand il faut régner l'eau salatée là, à ce moment-là, qu'il faut gagner ça? Sa titre-là, et in fine, comment s'appelle-t-il? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut prévenir nous, qui peut être un dimon là, il finit appelé pour sa nom, Al-Mahdi. Mais Dieu, ça c'est qualité qui est là dans lui. Mais ce nom même, pourquoi, chers frères et sœurs, ce nom pour Muhammad ibn Abdullah, pareil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui appelé. Chers frères et sœurs, pour une petite chose clé qui nous vient connaître, concernant sa personne-là, c'est juste 7 ans. 7. Juste 7 ans. Qu'il dit pour à la tête de sa oumma là, c'est le tout. Depuis qu'il nous connaît, sa personne là, c'est Imam Mahdi, 17 ans, il faut à la tête. Qui fait? Qui fait? Parce qu'il y a un hadith qui suit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, et quand Al-Mahdi fait des bouts pour Fajr, et quand il vit à l'arrière, il trouve une personne. Comment il trouve sa personne là? Il est killé par les deux. Imam, quand il boute, il y a une direction qui est là. Quand il virait pour l'iguet sur le Moussali, il ne pas dire comment nous virer, on dirait que c'est face avec Moussali. Non. Il dit une vient sur la tête. Mais sur les côtes, il continue à faire direction, c'est là. Quand il guette bien sur droite, sans lui dire non rien, il est killé. Bon, pas. Sur les deux côtés. Sur les deux avec Moussali, sur les côtes, encore faire face avec Tidla, il est killé par les deux. Comment il peut qu'il parle les deux, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, elle l'a mis pose l'eau sur les épaules, entre les épaules, sorry. Le sol les deux entre les épaules. Elle l'a mis pose l'eau là, pousse-lui. Délis ça, il y a matin, il donne pour toi ça. Comme ça bien là. Qu'est-ce que la loi, la côte bini? Qu'est-ce que la loi, la côte bini? Parce que nous, demain quand nous rentrons en retard, pour sa baïlène finit debout, il donne qu'à matin, trouvons et rentrer. Allez, on s'en va aller s'y faire. Qui vous préfère? Combien fait ça? Combien fait ça? Il y a maintenant une donnée, ça qui défend là, là. Il y a maintenant une donnée pour qui ça n'a comme il m'a mal. Une donnée pour lui, laisse-lui faire. Connaissez ça là qui... Ou imaginez-nous un prophète de Yéli. Rissa les salam qui fait ça. C'est Rissa les salam. Il pose la mélo les deux. Imam al-Mahdi. Il a dit ça, il y a maintenant une donnée pour toi. Et vous tenez. Et vous tenez. Chers frères et sœurs, seule personne au monde dans nos dînes qui nous déboutait un prophète de l'Église. Seule personne. Soit, tu es un autre prophète imam et un autre prophète pas d'ailleurs. À l'exemple de Daoud alayhi salam, quand tu veux faire salat, ce garçon de Yali. À l'exemple de Moussa alayhi salam, quand il déboute, ce frère de Yali, Haroun. Soit, meilleur pour imam prophète, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à la tête, et tu es un prophète de Yali. Soit ça. Mais, un djimoun qui n'est pas prophète, malgré bien tant d'arraja, les débout imam, un prophète, débout alors yéli, chef et sœur, ce qu'aujourd'hui nous pouvons causer, ça va nous remplacer sur les mêmes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, dans mon umma, où il y a un qui vient pour faire imam devant, devant un prophète. Dites-moi y'a ça. Dites-moi y'a ça. Pour attirer nous l'attention là, le valet sa personne là. Il y a de mots ou moi, pour il y a une personne qui te pour debout imam, et pour une prophète, pour une prophète, et de Yéli. Donc, chers frères et sœurs, les temps nous guettent concernant sa personne là, alhamdoulilah, ça qui nous fin connaît, c'est concernant son nom, c'est quoi? Son laqab, son titre, c'est quoi? Ça qui nous fin connaît, c'est qui? Alhamdoulilah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin faire nous concernant son arrivée, depuis qui descendant il était? Depuis descendant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce qu'il nous faut attendre pour trouver Imam Mahdi? Quand pour arriver ça? Dans la tanli? Ça c'est Ban Chia qui fait ça. Non. Pour une action qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient faire nous connaître, c'est Ban l'injustice qui prévaloir l'eau la terre. Et ensuite, c'est celle personne, chers frères et sœurs, pour reconnaître Isa alayhi salam. Parce qu'il les temps dit de Mahdi, depuis bonne année, minute. Des filles descendent, et d'ailleurs quand nous venons avec Isa alayhi salam, nous disons qu'il est, etc. Ils descendent, quand ça les filles descendent, ils rentrent devant ce qui vient arriver. Ben la famille connaît ça, c'est Isa alayhi salam. Ils déboutent l'imam, et le moment qu'il libère les troubles, ils redonnent pour l'imam, ils disent non, chers frères et sœurs, Inch'Allah, à partir de là, deuxième étape qui vient, où un de ces juifs qui prend un de ces pareil, c'est concernant Dajjal. C'est concernant Dajjal. Qui fait Dajjal, ils disent après. Parce que le fait que l'imam Mahdi, là, c'est en même. Et j'ai arrêté à l'essentiel de venir ou non. Pour derrière l'autre côté qui peut bien faner le salafier là. Excepté, c'est ça qui nous appelle Dajjal, pour nous donner un bout là-bas, mais comme introduction pour nous continuer la semaine passée, chers frères et sœurs, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma bayna khalqi Adam ila qiyam sa'a » Rendez-vous la création Adam alayhi salam pour vivre jusqu'à jour qiyam. Oh, depuis création Adam et Salam. Pas fait cause depuis Adam et Salam, il vit là, hein? Non. Oh, depuis création Adam alayhi salam, bin ila qiyam sa'a, jusqu'à jour qiyama, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, pena aucun fitna qu'il passe le salafier là, qui est capable de plus grand qui fitna? Qui fitna d'Adjal. Et qui était ça, là? Qui était ça? Pourtant, combien de choses nous tendait de nos jours de ça fitna ça? Ça fitna. À l'époque fitna ça. C'est vrai. Mais ce qui m'avait connu, un petit grand fitna, c'est ça. Prends depuis création Adam. Pas depuis Adam, ça vient dans la terre. Jusqu'à jour Kiyama, chers frères et sœurs, pena, plus grand fitna, plus grand tentation, plus grand test, pour un petit tombe de désobéissance, excepté fitna de Dajjal. C'est ça qui, Inch'Allah, le semaine nous faut guetter. Après avoir qui nous prend, un petit de doigt qui nous aidera, namaz, danaz. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.